bien voilà mes chers Rasta, c'était Va-Nu-Pieds. Notre prochain artiste s'appelle Albo Rossi. Il est né le 4 juillet 1977 à Marasalas, en Italie. Sa chanson s'appelle Real Story. J'espère qu'elle va vous plaire. One tell the boy, the chopper job done long time. And we run the thing now, Sicilian style. This woman say, oh, ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding. Schengen and I tell you where you belong, yeah. Mr. Ballet, tell me where you come from. Kapupa Schengen and I tell you, ah. I saw me jungle it in the west. Kupa gold medal in a ganja contest. Pretty boy Galanta, Jamaica under stress. Me smuggle marijuana in a bulletproof vest. So good look on the stars on them race. No time them off it back up big nine and ratchet. No time you see them smiling cool in a casket. So big up the ganja farmer where them lose their life. Me bond the little dealer charging double the price. Me bond the FBI I play the cat on mice. But this a real story not Miami Vice. Billy bim bim, billy bim bim, billy bim bim. Billy bim, billy bim bim, billy bim bim, billy bim. International, step up in a life. Tell them to circle on the circle. Man, I will my cockle from you, put me on the shuffle. Circle song, idioting in a no long talk. Brr. From the hills of Jamaica straight to Amsterdam. From St. Cyd to Kingston down to Switzerland. 300 pound of starch flight to Gatwick, England. Jamaica green gold, sweet of Europeans. Salomon herb, give me my Salomon herb. Let me light me spliff and please do not disturb. Salomon herb, give me my Salomon herb. Let me light me spliff and please do not disturb. Billy bim bim, billy bim bim, billy bim bim. Billy bim billy bim bim, bim billy bim bim, billy bim bim. Billy bim billy bim bim, bim billy bim bim, billy bim bim. Billy bim billy bim bim, bim billy bim bim, billy bim bim. Et bien voilà les amis, c'était Albo Rossi. Pour continuer cette émission, je vous propose qu'on passe à l'artiste suivant qui se nomme Naaman. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais je vous avais déjà fait écouter l'une de ses chansons qui s'appelait Kanake New Caledonia. Bah, cette fois, je vais vous faire découvrir l'une de ses chansons de son tout nouvel album que je vous conseille d'écouter d'ailleurs car il est vraiment top. La chanson que nous allons entendre se nomme Love is Allowed. Change the power from your body, but the top, them I go put on your road. Only we alone gonna serve our souls. I beg you. Voilà les amis, c'était Love is the Love de Naaman. Poursuivons maintenant avec un groupe de reggae français. Il s'appelle Positive Young Lion. La chanson se nomme Rastaman. Je vous laisse écouter et on se retrouve juste après les amis. Loué soit le nom de sa majesté impériale, Haïlé Selassie. Tcha Rastafari. Haïlé Selassie. Rastaman. Demeure un homme malgré les tribulations du système. Les mots de sa bouche parfois descendent du ciel. Le regard plongé toujours vers l'éternel. Ses pensées demeurent des pensées universelles. Il voit le cap et le thé, smoke un sunset. Sans cesse, il cherche à t'expliquer que le temps dans la vérité n'a jamais existé. Que rien de nouveau sous les étoiles nous sera donné. Rastaman demeure un homme malgré les tribus. Le système de Babylone, il reste en quête du Zion. Il est comme un roi, comme un vrai lion. Rastaman demeure un homme malgré les tribulations. Le système de Babylone, il reste en quête du Zion. Il est comme un roi, comme un vrai lion. Pour un Rasta, ça devient plus compliqué dans ce système. Certains ne voient pas, c'est de l'amour dans nos chansons que l'on sème. Notre but, notre volonté, que tous les peuples vivent dans l'unité. Et pour cela, on met nos genoux à terre et fait appel à la Trinité. Il y a les gardiens de la foi, les protecteurs des lois. Les constructeurs, ceux pour la justice et celui qui est droit. Il y a les tribus de Twel et les Naya Bingi. Les Congomans, les Bongomans et les Bobo Shandi. Rastaman demeure un homme, malgré les tribulations, le système de Babylone. Il reste en quête du Zion, il est comme un roi, comme un vrai lion. Rastaman demeure un homme, malgré les tribulations, le système de Babylone. Il reste en quête du Zion, il est comme un roi, comme un vrai lion. Sa force il la puisse, au poids du Tout-Puissant, le Seigneur qu'il vit. Il reste un homme conscient, cultive tous les jours la foi, la donne à ses descendants. Il prie Rastafari, King Haile Selassie, le conquérant de la tribu de Juda. Il prie Rastafari. Rastaman demeure un homme, malgré les tribulations, le système de Babylone. Il reste en quête du Zion. Lion. Rastaman demeure un homme, malgré les tribulations, le système de Babylone. Il reste en quête du Zion, il est comme un roi, comme un vrai lion. Pour tous les Rastaman, priez dans l'humilité. Pour tous les Rastaman, priez la vérité. Tiens, Rastafari, béni soit son nom. Haïlé Selassie, one love. Ah là là, quelle superbe chanson, j'espère qu'elle vous aura plu. Allez, poursuivons maintenant. Pour notre prochain artiste, je vais vous faire une petite devinette si vous le voulez bien. C'est un groupe de reggae français, ils sont formés de 8 musiciens.

c'est dubbing tout ce qu'ils veulent. Allez, continuons dès à présent avec notre avant-dernier chanteur qui se fait appeler LNP Rhodes Family. Il va nous interpréter la chanson Troisième œil. Vous allez voir, je suis sûr que vous allez adorer. Nous voit comme des artistes, un groupe qui a du talent, ou comme des utopistes aux espoirs d'adolescents, comme des fumeurs de weed, moi de l'envie, je te le nom, ou comme des hommes bien trop naïfs et qui devraient se faire une raison, ou comme des visionnaires brandés à la bonne époque, ou comme des hommes en peine d'hier, en quête d'amour propre, des révolutionnaires, ou des mochettes dans la culotte, ou comme des missionnaires, pour la chute de Babylone, ou bien qu'on cherche à se faire du fric sur la misère des gens, que ce qu'on nous revendique n'est qu'une goutte dans l'océan, on ressemble à des hippies, en retard de 40 ans, qu'on ne changera pas le cours de la vie, avec de bien jolies chansons, militants en colère, symbole de l'opposition, d'autres verront l'écho tragique d'une société en perdition, ou comme une éclaircie au beau milieu du néant, que le changement est impossible et qu'on vous berce d'illusions, yeah. Alors oublie tes préjugés, tes idées prêtes mâchées, ton style ne voit que ton reflet. Nous sommes le prélude de la révolution, nous sommes ce que nous sommes, tout simplement, et nous disons tout haut ce que tu penses ou pas, la réponse aux mensonges est leur combat. Nous sommes le prélude de la révolution, nous sommes ce que nous sommes, tout simplement, oui. J'ai tant de volonté, je ne joue pas un rôle, mais je te parle de vérité. Les mains dans les poches, je n'ai rien à te cacher. Alors faut que tu t'accroches et arrête de rêver. Je suis comme toi, le tout à rien qui fait son bout de chemin. Mais je ne peux rester là, attendre notre fin. Je ne suis ni plus ni moins que toi. Regardons le ciel, ça s'embrouillerait pourtant, gardons l'espoir. Je ne fume pas, je ne vois pas, je ne rêve pas. Je vois le monde tel qu'il est dans son mal-être. Je ne veux pas, je ne sais pas, je n'entends pas. Leur sirène, leur mensonge, leurs idées du paraître. Je suis là devant toi et regarde-moi, c'est pour toi que je fais ça. Alors écoute-moi, arrête de danser, pose-toi. Car vouloir tout oublier, tu finiras par oublier ce qui fait que tu es toi. Tous égaux, mais tous différents, tous beaux, tous les mêmes finalement, et c'est beau. Tous se croisent et se mélangent. Eux sont faux et s'opposent au changement, leur fléau. Ils ne pensent qu'à l'argent, c'est charlot. Ne comprennent pas que nous sommes enfants du temps. Et alors oublie tes préjugés, tes idées prémâchées. Sans celle ne voit que ton reflet. Nous sommes le prélude de la révolution. Nous sommes ce que nous sommes, tout simplement. Et nous disons tout haut ce que tu penses ou pas. La réponse aux mensonges est leur combat. Nous sommes le prélude de la révolution. Nous sommes ce que nous sommes, tout simplement, oui. Esprit n'a rien d'exceptionnel, c'est le reflet de toutes ces vies qui ont le mal existentiel, de toutes ces âmes en peine, de tous ces cœurs qui saignent, qui subissent malgré eux une politique malsaine et qui ont peur de la barbarie du système et qui pleurent. Ce monde irrationnel, en dépit de tout espoir, finissent par se résigner. Ils se disent qu'ils n'ont pas le choix et ils se taisent à jamais. Et chaque jour, font semblant d'être heureux, oui, chaque jour. Oh, ils font de leur mieux, se raccrochent au seul fait que ça aurait pu être pire. Et pour ne plus se prendre la tête, se répondre, c'est la vie. Mais la remise en cause, c'est symbole de liberté. Nous pouvons briser leur code de l'inégalité. Chacun prend sur ses épaules le poids de la réalité. Si Babylone le monopole, c'est que nous avons accepté la sublimation de l'ego, le matérialisme, la peur de l'autre, l'individualisme, la quête de s'enrichir, le capitalisme, et ne surtout plus réfléchir qu'à programmer, à survivre et pour couronner le tout, la banalisation, et les pions deviennent fous et perdent leur conviction, se détachent de l'amour alors qu'il est la solution, et le bonheur n'est accessible que partagé à l'unisson. Et alors oublie préjugés, tes idées prémâchées, sans celle ne voit que ton reflet. Nous sommes le prélude de la révolution. Nous sommes ce que nous sommes, tout simplement. Et nous disons tout haut ce que tu penses ou pas. La réponse aux mensonges est leur combat. Nous sommes le prélude de la révolution. Nous sommes ce que nous sommes, tout simplement, oui. Les amis, c'était LNP Rhodes Family, Troisième œil. D'ailleurs, mes chers Rasta, cette émission est déjà presque finie, excusez-moi. Les minutes passent tellement vite quand on écoute du reggae. Vous voyez, j'en perds mes mots. Allez, notre dernier chanteur s'appelle Jagaya. Et la chanson s'appelle Libre. Vous allez voir, c'est juste une tuerie. Leave. beaucoup plus relax. Je n'ai pas été trafiqué dans les ghettos de Kingston pour nourrir femmes, enfants et tous mes frères de Strangetown. Je n'ai pas connu le danger des carrefours de Bassora. Ici tes gosses se plaignent pour une jolie paire de Puma. J'ai du travail, une couverture sociale. Mon gouvernement m'agace mais n'est pas le plus infâme. Regarde autour de toi et ami que tu sois. Malgré tout, malgré tout, malgré tout, libre. Te rends-tu compte de la chance que tu as d'être libre? De pouvoir échanger, m'informer, lire et danser en toute liberté ou presque. Et même si tout n'est pas rose à ses côtés, oh, nous avons la chance et d'habiter la France où il est libre. Chaque être humain ne demande qu'à vivre dignement en toute simplicité, simplement vivre sa liberté. Censuré. Palestine, Bolivie, Mali, Syrie, Tunisie, Corée du Nord, Haïti, frères du Tibet, France, Grèce, Espagne et Roumanie. Pour tous les hommes, pour toutes les femmes, pour toutes les villes et capitales, et que nous soyons pour toujours libres. Te rends-tu compte de la chance que tu as d'être libre? Bien voilà les amis, cette émission est déjà finie, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous souhaite une très bonne soirée à toutes et à tous. Bonne semaine à tous, on se retrouve dimanche prochain à 21h sur Fadjack 94.2. Salut tout le monde.